وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui on continue donc dans l'explication de al-usul al-thalatha de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى. Et aujourd'hui c'est le dernier cours inshallah de ce livre, puisque inshallah on va terminer le livre aujourd'hui. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبيد الجي قال المصنف رحمه الله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, et la preuve du décès du messager صلى الله عليه وسلم, c'est le verset 30 et 31 dans Surat Az-Zumar, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie certes tu vas mourir, de même que eux aussi vont mourir, puis au jour de la résurrection vous vous rencontrerez auprès de votre Seigneur, hein, et vous disputerez devant votre Seigneur, auprès de votre Seigneur. Cheikh Ubayd il commente sur ce passage là il dit hadha khitabun lahu sallallahu alayhi wa sallam yatadammanu annahu sayamut. لأن معنى ميت يعني سيموت بخلاف ميت أي قد مات وهذا هو الأشهر إنك ميت وإنهم ميتون فهو صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض البشرية من المرض والموت والنسيان إلا الشرع فإنه لا ينسى منه شيء حتى يبينه للناس حتى يبينه للناس فما نسي صلى الله عليه وسلم بلاغ يعني فما نسي صلى الله عليه وسلم بلاغ ما أمر به أبدا. Donc le cheikh il dit ça c'est un discours qui s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui implique que le messager va mourir sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la signification du terme en arabe mayyitun, hein, Sayamut, ça veut dire il va mourir au pluriel, tandis que mayt, ça veut dire yani mayt, ça veut dire yani il est mort déjà, tandis que mayit, hein, ça veut dire qu'il va mourir dans l'avenir, et ça c'est la signification la plus célèbre, la plus connue à ce sujet, et ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il subit les choses qui touchent à tous les êtres humains, c'est-à-dire la maladie, le décès, la mort, l'oubli, bien entendu. Et il explique le cheikh que toutefois en ce qui concerne l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne touche pas ce qui a trait à la révélation d'Allah, puisque il n'oublie pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de clarifier aux hommes et de transmettre aux hommes. Il dit ensuite innaka mayyitun, donc il explique le verset innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa fi hadha raddun ala man yad'i hayatahu sallallahu alayhi wa sallam ka hayati sa'ir an-nas wa ma ja'a min an-nusus ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni wa hadha mahmulun ala al-hayat al-barzakhiyyah wallahu a'lam bi kayfiyatiha. Donc le cheikh il dit ce verset, certes tu vas mourir de même que eux aussi vont mourir, il y a dans ça une réfutation de ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, hein, comme le reste des hommes qui sont vivants actuellement, et il se base sur certains textes comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit priez sur moi car votre prière me parvient peu importe où vous êtes, et il pense que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe, que ça veut dire qu'il est vivant comme quand il était vivant dans ce monde. Et le cheikh explique que ça c'est une vie qui est reliée au barzakh, c'est la vie entre la vie d'ici-bas et la résurrection. Donc cette vie là elle n'est pas comparable à la vie d'ici-bas dans la dunya, et donc on ne peut pas appliquer les règles de la vie d'ici-bas aux règles de la vie du barzakh. C'est ce qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya. Donc ceux qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est vivant dans la tombe, ça veut dire qu'il peut faire les mêmes choses que ce qu'il faisait lorsqu'il était vivant, et donc ils pensent qu'à cause de ça, il est permis de l'appeler au secours ou de l'invoquer. Ça, c'est, il n'y a pas de doute que c'est complètement faux et complètement erroné aussi. Et le cheikh, il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Donc dans la suite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: et les hommes, lorsqu'ils meurent, ils seront ressuscités. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 55 dans sourate Taha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: c'est de celle-ci que nous vous avons créé, et c'est en celle-ci que nous vous retournerons, et c'est de celle-ci que nous vous ferons sortir encore une fois. Hein? Et il dit ensuite dans l'autre verset qu'il cite, le verset 17 à 18 dans sourate Nuh: et Allah vous fait pousser de la terre comme des plantes, et il vous fait retourner en celle-ci, puis il va vous faire retourner, hein, va vous faire sortir par la suite encore. Et Cheikh Obeid, il commente ce point-là en disant: يَمُرُّ الْإِنسَانُ ثَلَاثَةِ أَطْوَارِ كَمَا فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَوَّلِ طَوْرُ الْخَلْقِ مِنْ تُرَادِ وَالثَّانِ الْإِعَادَةُ إِلَى مَنْشَئِهِ وَهُوَ الْمَوْتِ والثالث الإخراج وهو البعث من القبور للجزاء والحساب حين يؤمر الملك بنفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم مذهولين كأنهم فراش مبثوث فبان بهذا أن من لم يؤمن بالبعث فإنه كافر قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والله على وذلك على الله يسير. Le cheikh, il dit que l'homme, il passe par trois étapes, et c'est clair dans ces deux versets là. C'est que la première étape, c'est la création de l'homme à partir de la terre. La deuxième étape, c'est le fait qu'il est retourné dans la terre par la suite, c'est-à-dire lorsqu'il meurt. Et la troisième étape, c'est lorsqu'il sort lors de la résurrection et qu'il est ressuscité de sa tombe pour la résurrection, pour la rétribution et le jugement. Et lorsque l'ange sera ordonné de souffler dans le clairon, et à partir de ce moment-là, les hommes vont tous sortir de leur tombe, hein, et ils seront comme des papillons éparpillés. Et on voit à partir de cela donc que le cheikh, il dit que celui qui ne croit donc pas à la résurrection, eh bien, il est pas croyant, il est kafir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans sourate At-Taghabun, ceux qui ont rejeté la foi, qui ont mécru, pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit certes, hein, par mon Seigneur, vous serez ressuscités et vous serez informé de ce dont vous avez fait, et cela est facile pour Allah. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: wa ba'd al-ba'thi muhasabuna wa mujizuna bi'a'malihim majizuna majziyuna bi'a'malihim. Donc ensuite, après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. Le cheikh, il dit: وأدلة البعث تتضمن ثلاثة أشياء. أولا كمال قدرة الله كما في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. ثانيا كمال علمه يقول تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا كمال العلم مع كمال القدرة أيضا. Donc le cheikh, il commence en disant que il y a des preuves de la résurrection, et il dit ces preuves-là comprennent trois choses. Hein? Et la première chose, c'est la capacité et la puissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite à ce sujet les versets 6 à 16 dans Surat An-Naba. Les versets 6 à 16 dans Surat An-Naba. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets, hein? Nous vous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour votre repos, hein? Désigné votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle graines et plantes et jardins luxuriants. Donc ces versets-là, c'est des versets qui montrent la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il cite également le fait que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Et il cite par rapport à ce point-là, les versets 77 à 79 dans Surat Yasin. Et donc, on va lire la signification de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Hein? Il se connaît parfaitement en toute création. En toute création. Et donc, le cheikh, il dit ça, ça montre la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la parfaite connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Il dit ensuite, en citant le verset, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً. ومن المعلوم أن الإعادة أسهل من الابتداء مع أنها كلها على الله هينة، لكن فيما بين الخلق وإعادة الشيء إلى سابق عهده أسهل أم الإنشاء أسهل؟ الإنشاء أسهل. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit celui celui qui va le faire revivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a créé la première fois. Il dit qu'il est bien connu que le fait de refaire quelque chose une deuxième fois est beaucoup plus facile que de le faire la première fois. Même si tout cela est facile pour Allah, hein, mais yani, entre le fait de créer quelque chose et de refaire une chose une deuxième fois, lequel des deux est plus facile? C'est clair que le plus facile, c'est de refaire une chose qu'on a déjà fait la première fois. Et le troisième point que le cheikh il a cité, c'est kamalu adlihi wa hikmatihi. Kayf يعني ليلقى كل عامل جزاءه ليلقى كل عامل جزاءه في الآخرة. بعض الناس لا يجزى على عمله في الدنيا أو قد يجزى ولكن لا يجزى جزاء كاملا، وذلك قوله ومن ذلك قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Donc le troisième point, c'est la parfaite justice et la parfaite sagesse d'Allah. Et comment est-ce que cela a un lien direct avec la résurrection et que cela est une preuve de la résurrection? Eh bien, le cheikh il dit, c'est parce que chacun va retrouver la rétribution pour les œuvres qu'il a faites dans l'au-delà. Parfois, des hommes dans la vie d'ici-bas peuvent faire des œuvres et qu'ils ne vont pas être récompensés pour le bien qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Hein? Ou bien ils vont être récompensés, mais ce ne sera pas une récompense complète. Et donc, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 35 et 36 dans Surat Al-Qalam, allons-nous traiter les musulmans comme les criminels? Hein? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Donc, il y a des musulmans, peut-être qu'ils ont été justes et honnêtes et ils n'ont pas eu de récompense pour le bien qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas, tandis que d'autres qui sont des koufars et qui ont fait plein de crimes, peut-être qu'ils vont avoir beaucoup de bonnes choses dans la vie d'ici-bas. Et donc, si c'était juste cette vie d'ici-bas et qu'il n'y avait rien dans l'au-delà, pas de récompense, pas de rétribution, ce ne serait pas juste. Hein? Et donc, le fait qu'il y ait une résurrection et une rétribution après un jugement, ça c'est la preuve que Allah, sa justice, elle est parfaite. Le cheikh, il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. La preuve de ça, c'est le verset 31 dans sourate An-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: pour qu'il récompense ceux qui ont fait du mal pour qu'est-ce qu'ils ont œuvré, et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien par la plus belle des récompenses. Et il dit, le cheikh Ubayd, il dit: فَالْأَمْرُ لَا يَنْتَهِ بِالْبَعْثِ بَلْ هُنَاكَ مُحَاسَبَةٌ عَلَى الْأَعْمَالِ وَالْحُسْنَى مِنْهَا الْجَنَّةِ وَأَعْظَمُ نَعِيمِ الْجَنَّةِ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ عَيَانًا فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ اللَّهِ لم تروه قالوا وما هو ألم تبيض وجوهنا ألم تزحزحنا من عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Donc le cheikh, il dit que l'affaire ne s'arrête pas à la résurrection, mais plutôt il y a un jugement pour les œuvres et une récompense qui est plus belle, qui est le paradis. Et le plus grand délice dans le paradis, c'est le fait pour les croyants de pouvoir voir Allah avec leurs yeux. Et l'imam muslim, il rapporte dans le sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, ils seront appelés: ô habitants du paradis, il y a pour vous un rendez-vous auprès de votre Seigneur et une promesse que vous n'avez pas encore vue. Alors ils vont dire: et qu'est-ce que c'est? Ils vont dire: n'as-tu pas illuminé nos visages? Et ne nous as-tu pas fait sortir ou préservé de sortir de l'enfer? Et ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis? Alors il dit à ce moment, Allah va retirer le voile. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là va enlever le voile et ils vont le regarder. Ils vont le voir, ils vont le regarder. Et par Allah, il dit, et par Allah, ils n'ont pas reçu d'Allah une chose plus aimée pour eux que cela. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset 26 dans Surat Yunus après avoir mentionné ça. Et le verset en question dit: pour ceux qui ont fait le bien, qui ont fait preuve de bienveillance et d'excellence dans leur adoration, ils auront la plus belle récompense, qui est le paradis, al-husna wa ziyada, et quelque chose de plus. Et la chose qui est mentionnée comme étant quelque chose de plus, c'est justement le fait de pouvoir jouir du délice du regard, hein, de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que celui qui a démenti en la résurrection, ou qui a renié la, qui a traité de mensonge la résurrection, il a rejeté la foi, il a mécru. Et la preuve de ça, c'est le verset 7 dans Sourate At-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui ont mécru, ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit au Muhammad, certes, par mon Seigneur, vous serez ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous avez fait. Et cela est facile pour Allah. Et le Cheikh il dit, وَالشَّاهِدُ مِنْهَا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبْعَثُوا وَمِمَّا أَنْكَرَهُ الْقَوْمُ الْبَعْثُ وَالْبَعْثُ مِنْ أُصُولِ الْاِعْتِقَادِ السِّتَّةِ. Donc il dit, le point qui est tiré de ce verset-là comme preuve, c'est la première partie, lorsque Allah il dit, ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Et donc, parmi ce que les mécréants ont renié, c'est la résurrection. Et la résurrection fait partie d'un des piliers de la foi, parmi les 6 fondements de la croyance. Et le Cheikh il dit ensuite, « وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les messagers comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Et la preuve de cela, c'est le verset 165 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, des messagers, annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs d'un châtiment, pour qu'il n'y ait pas de preuve, pour que les hommes n'aient plus d'arguments auprès d'Allah au jour de la résurrection, après avoir envoyé les messagers. Donc les hommes ne vont plus avoir d'excuses ou d'arguments devant Allah, une fois que les messagers ont été envoyés. Et le Cheikh, il explique ça en disant, يبشرون أهل التوحيد وسائر الطاعات بالجنة وينذرون أهل الشرك وسائر المعاصي بالنار. Donc les prophètes, ils annoncent la bonne nouvelle aux gens de l'unicité, les gens du tawhid, et les gens qui ont fait toutes les autres, les bonnes œuvres et les actes d'obéissance, qu'ils auront le paradis, et ils avertissent les gens du shirk et des autres péchés de l'enfer. Le Cheikh il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Donc le premier d'entre les messagers, c'est Nuh alayhi salam, et le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que le premier messager c'est Nuh alayhi salam, c'est le verset 163 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, nous avons révélé à toi comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes qui sont venus après lui. Et l'explication de ce verset, le Cheikh il dit, ta'ammal wajh ad-dilala, qal inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh, idhan ayyuhuma qabla al-akhar, nuh am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nuh, li'annahu qal kama awhayna ila nuh, wa bayna nuh wa Muhammad صلى الله عليه وسلم سائر النبيين والنبيين من بعده والنبيين من بعده أي من بعد نوح. فهو ذكر آخر الرسل وأخبر أنه أوحى إليه كما أوحى إلى أولهم وهو نوح ثم عطف بين ما بينهما وهم بقية النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. Donc, le Cheikh, il dit, si on regarde, on observe le verset en question, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons révélé à toi, comme nous avons révélé à Nuh. Donc, lequel est avant l'autre? C'est clair que c'est Nuh qui est avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, nous avons révélé à toi comme nous avons révélé à Nuh. Et entre Nuh et Muhammad, il y a tous les autres prophètes qui ont été envoyés. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ, et les prophètes qui sont venus après lui, hein, c'est-à-dire après Nuh alayhi salam. Donc il a rapporté, il a mentionné le dernier des messagers et il a mentionné par la suite que il a révélé, ou plutôt il a mentionné avant ça qu'il a révélé à lui, hein, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a envoyé au premier d'entre eux, qui est Nuh. Puis il a mentionné par la suite ceux qui sont venus entre les deux, c'est-à-dire le reste des prophètes et des messagers. Il dit, « Wa qala al-musallifu rahimahullah, kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min Nuhin ila Muhammad, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda, وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh il dit والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, à chaque nation Allah a envoyé un messager, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur ordonnant, c'est-à-dire en ordonnant à leur peuple d'adorer Allah seul et en leur interdisant l'adoration du Tawhid. Et la preuve de ça, c'est le verset 36 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et nous avons suscité dans chaque nation un messager disant: adorez Allah et écartez-vous du tagut. Le cheikh il dit: هذه الآية دليل أولا على أن كل أمة بلغتها الرسالة وهذا العموم مستفاد من قوله في كل أمة فإن كل من صيغ العموم. ثانيا أن الله لا يقبل عبادة مع الشرك وثالثا على أن دين الأنبياء واحد. Donc le cheikh il dit, dans ce verset, il y a les preuves suivantes. La première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a transmis le message à toutes les nations. Et ça, on peut le tirer du sens général qui est compris dans le verset, lorsque Allah il dit, fi kulli ummatin, dans chaque nation. Et quand on dit en arabe kul, ça veut dire tout. Donc c'est le sens de qu'est-ce qui est général. Le deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une adoration lorsqu'elle comprend du shirk, ou lorsqu'il y a dans cette adoration-là du shirk, ou si elle est accompagnée de shirk. D'accord? Et le troisième point, c'est que la religion de tous les prophètes est une seule et unique religion. Le cheikh il dit ensuite, وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ensuite: Allah a ordonné à tous ses serviteurs de renier le tarout et de croire en Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique la signification du terme tarout en disant que c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse sa limite, que ce soit par le fait de ce qu'il adore, ou par ce qu'il a suivi, ou par ce qu'il a obéi. Et donc, pour résumer, les tawarid sont nombreux, mais les têtes les plus importantes de ceux qui sont des tawarid, ou qu'on peut qualifier de tawarid, le premier c'est le diable, Iblis. Et toute autre personne, donc la deuxième, c'est toute personne qui est adorée et qui est satisfait de l'être. C'est-à-dire, les gens l'adorent et lui, il est content de ça. La troisième, c'est toute personne qui appelle les autres à l'adorer. Donc, si quelqu'un, il dit aux gens, adorez-moi, ça aussi, c'est un tarout. Donc, ça fait trois. La quatrième, man idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb. C'est-à-dire, quelqu'un qui prétend détenir ou posséder une connaissance quelconque de l'avenir ou de l'invisible. Ça, c'est un tarout aussi. Et une autre catégorie aussi du tarout, c'est celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Et on sait très bien que par rapport à cette catégorie-là, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, eh bien, ça peut être soit une forme de mécréance qui est majeure ou mineure. Selon le fait que la personne, considère que ce par quoi elle juge, ce par quoi elle juge en dehors de ce que Allah a révélé est supérieur à la révélation d'Allah, ou équivalente à la révélation d'Allah, ou qu'il est permis de juger par autre que ce que Allah a révélé. Dans ces trois cas-là, la personne en question a commis une forme de mécréance qui est majeure. C'est-à-dire, elle pense que ce que Allah a révélé est équivalent à ce par quoi les hommes jugent qui n'est pas de ce que Allah a révélé. Donc, il met la loi des hommes égale à la loi d'Allah, ou supérieur à la loi d'Allah. Donc, soit qu'il croit que la loi des hommes est supérieure à la loi d'Allah, ça c'est kufr, ou que c'est équivalent à la loi d'Allah. Donc, dans les deux cas, ça c'est un kufr majeur. Ou bien il dit, c'est pas supérieur ni égal, mais c'est permis de juger par les lois des hommes qui est contraire à la loi d'Allah. Alors là, dans ce cas-là aussi, c'est du kufr, un kufr majeur. Et le cas de la catégorie du kufr qui n'est pas majeur, c'est-à-dire un kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est lorsque quelqu'un juge selon ses désirs et sa passion, en reconnaissant que cela est interdit, mais il le fait à cause de la faiblesse de sa foi et à cause de son amour des biens et de la dunya, sans toutefois le rendre licite et sans non plus considérer que c'est correct. Il considère que c'est haram, mais il a une faiblesse. À ce moment-là, il n'est pas considéré comme étant en dehors de la foi, en dehors de l'islam. Il est toujours musulman, mais on considère que c'est un musulman qui a commis un grand péché, et c'est un kufr qui est mineur, comme Abdullah ibn Abbas l'a expliqué, kufrun duna kufr, un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 256, c'est-à-dire la preuve de la signification du terme tarout, c'est dans le verset 256, dans surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie, il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité, plutôt la droiture, c'est clairement distingué de la déviation. Et donc, quiconque a renié le tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou bien une des catégories qu'on a mentionnées parmi les tawarit, donc quiconque a renié le tarout et a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est audient et omniscient. Et ça, c'est la signification même du témoignage de la ilaha illallah, puisque le témoignage de la ilaha illallah est composé d'une affirmation, d'une négation et d'une affirmation, et dans le fait de renier le taghout et de croire en Allah, il y a la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que Allah seul doit être adoré. Et le cheikh Ubayd, il explique ce point-là en disant « وَهُنَا تَنْبِيهٌ إِلَى وُجُوبِ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وَذَلِكُمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالطَّوَاغِيتِ كَثِيرٌ وَلَكِنَ الرُّؤُوسُ خَمْسَةٌ » Donc le cheikh, il explique en disant ici il y a une note importante sur le fait qu'il est obligatoire de faire preuve de pureté dans notre adoration et de purifier notre adoration pour Allah seul. Et il dit وَذَلِكُمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ, parce que la première chose que Allah a ordonnée aux serviteurs, c'est bien entendu la foi, d'avoir la foi en Allah et de renier le taghout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le cheikh dit les tawarid, ils sont de nombreux, il y en a plusieurs catégories, mais les plus importantes, ou les cinq, il y en a cinq qui sont à la tête des tawarid et qui sont les plus importantes, on les a déjà énumérées. Le point final et le dernier point de Al-Usul al-Thalatha, c'est le suivant. Le cheikh il dit وقال المصنف رحمه الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il termine le livre en citant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tête de la religion, c'est l'islam, et le plus haut point de sa bosse, c'est la salat. Et son pilier, c'est la salat, et le plus haut point de sa bosse, c'est le jihad fi sabilillah. En voulant dire que la tête, c'est l'islam, c'est le tawhid, et al-umud, le pilier, c'est la salat, wa zirwatu sanamihi. Le plus haut point de sa bosse, c'est le jihad fi sabilillah. Il dit ça c'est Allahu a'lam, c'est-à-dire Allah c'est mieux, et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Et Cheikh Ubayd il termine en disant wa hadha al-hadith ra's al-amr, yani ay al-amr alladhi yasluh bihi hal al-insan في دنياه وأخراه وعموده الصلاة يعني فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين وذروة سنام الإسلام الجهاد والمقصود هنا جهاد الطلب وهذا ما يسر الله جمعه وتحريره في شرحنا على الكتاب النفيس الماتع المبارك الثلاثة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد وسمنا هذا الشرح المختصر وقد وصمنا هذا الشرح المختصر بإتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول والله أسأل أن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه وجميع المسلمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم تم الفراغ منه ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام 26 وأربعمائة وألف للهجرة وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. Donc le cheikh il termine, cheikh Ubayd rahimahullah hafizahullah, il dit donc le hadith, la tête de cette affaire c'est l'affaire en question, c'est-à-dire ce par quoi l'état de l'homme va être réformé dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le pilier, son pilier c'est l'islam, le pilier de l'islam c'est la salat, c'est-à-dire le deuxième pilier parmi les piliers après le shahadatain, après les deux témoignages. Et le plus haut point de sa bosse, le plus haut point de la bosse de l'islam, c'est si on parle de la bosse d'un chameau, bien entendu, c'est le djihad. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le djihad, djihad ou talab, c'est-à-dire le djihad offensif. Et pour terminer la conclusion, le cheikh il dit ça, c'est ce que Allah nous a facilité de rassembler, de réunir par rapport au charh de ce livre très précieux et bénéfique et béni, Al-Thalathat al-Usul, les trois fondements, écrit par le cheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et nous l'avons nommé ce charh résumé Ithaf al-Uqul bi Sharh al-Thalathat al-Usul. Et on demande à Allah qu'il fasse que mon travail ou mon œuvre dans ce livre soit purement pour son visage, son noble visage, et de profiter son auteur, celui qui l'a lu, celui qui l'a écouté, et tous les musulmans. Et louange à Allah, celui par la grâce de qui les bonnes œuvres sont complétées, et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Hein, et la conclusion de cette retranscription, ou bien de ce charh, le cheikh il dit qu'il s'est terminé dans la nuit du 25 du mois de Ramadan de l'année 1426. Naam. Et donc ça c'est la fin donc de ce charh de Al-Usul Al-Thalatha, et ça nous a pris du temps pour le finir parce qu'on a eu plusieurs pauses, mais alhamdulillah finalement on a réussi à le compléter, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte cet humble effort de notre part et qu'il fasse que cette œuvre soit comme le cheikh a dit, purement pour son visage, purement pour son noble visage, et qu'il nous aide à faire que nous soyons parmi ceux qui, le jour où dans notre tombe on sera questionné par les anges, que nous soyons parmi ceux qui répondront correctement aux trois questions: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Et que Allah nous facilite de répondre que notre Seigneur c'est Allah, et que notre religion c'est l'islam, et que notre prophète c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.